Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Cette semaine, on met ses plans de show. Dans Television Television, un épisode Lego pour les Simpsons. Nous, on songe à faire une émission entièrement en feutrine du Mathieu Plancho. Dans le segment Geeks et Elix, une partie de Pokémon rassemble des dizaines de milliers de spectateurs sur Internet. D'après moi, ils se sont trompés. Et on parle plutôt des parties de Paquet, virgule Monique, comme Monique Paquet, la tomonale de Sorel. Et dans le Geek, la Geekette en devenir, des scènes de films 18 ans et plus dessinées pour s'adresser aux enfants au Mathieu Plancho de Twitter. Et voici celui qui Google Monique Paquet pas mal plus souvent que Pokémon, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Monique Paquet. Un peu comme Monique a besoin de son public pour se sentir sexy, j'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Donc j'accueille ma co-animatrice Maria Picard. Salut! Salut! Pokémon, Monique Paquet, c'était un peu tiré par les cheveux ou par les poils. Ouais, on pourrait dire ça, oui. Si on veut. Ah, elle ouais. Qui est très poilue, mais c'est ce qui fait son charme. Donc aujourd'hui, à l'émission, bien sûr, nos chroniques régulières comme le segment Geeks et NX. La Geekette en devenir à la fin de l'émission. Ben oui. C'est ton segment, t'es la vedette de ça. Wouhou! Aussi populaire que Monique Paquet, c'est comme numéro 2 derrière elle. Ouais, c'est ça. Hey, c'est quand même pas peu, numéro 2. Hein? Un jour, tu la devanceras. Peut-être. On va commencer avec Television, mais avant ça, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo créés à partir de consoles de jeux vidéo. Et la première pièce que je te propose à toi, Marie-Ève, et accessoirement aux autres, vient de l'artiste Stinkbug. Voici Afternoon Out. 89 FM, c'est fou. Stinkbug et Afternoon Out au Mathieu Plante Show. Maintenant, on commence avec Television. Television. C'est Television Television, Marie-Ève Picard. Pour ceux qui suivent nos aventures de semaine en semaine, ça fait deux semaines de suite qu'on en parle, mais en fait, ça va être la troisième, là, qu'on est en train de se rattraper dans Comment j'ai rencontré, How I Met Your Mother, d'ici la finale le 31 mars. On est rendu au début de la saison 2. Ah ben, pas super, ça avance, ça avance. Tranquillement, vraiment pas vite. Comme une tortue. Slow and steady, but always winner. Win the race, exactement, si bien dit. Commençons par une nouvelle qu'on a un petit peu de frôlée, mais de pas trop trop proche. La semaine passée, on avait mentionné une petite brève sur SNL Québec. Oh oui, c'est vrai. Qui avait eu de bonnes codes d'écoute. Oui. On a des details. Details. Details, please. Donc, codes d'écoute satisfaisantes, critiques positives, premier test réussi pour SNL Québec, selon Télé-Québec. Soutenu par une vaste campagne promotionnelle qui inclut des panneaux aux abords des autoroutes. Pour Télé-Québec, moi, j'ai jamais vu ça. C'est cool. Donc, la première de SNL Québec a attiré 273 000 personnes pour une part de marché de 10% samedi soir à Télé-Québec, selon les données préliminaires d'auditoire de BBN. Durant la diffusion, Télé-Québec apparaissait au deuxième rang des chaînes les plus regardées derrière TVA. Bien qu'il soit encore trop tôt pour confirmer le retour de SNL Québec à l'automne, Dominique Chaloux, la grande patronne du réseau, parle de premier essai concluant. SNL Québec ne pourrait toutefois pas devenir une émission hebdomadaire, ça on l'avait dit la semaine passée, comme le Saturday Night Live sur NBC aux États-Unis. C'est une trop grosse entreprise pour faire ça chaque semaine au Québec avec les moyens qu'on a. Le réseau étudie toutefois la possibilité d'une formule mensuelle. Ce serait quand même pas pire. Oui, et avec le nombre d'émissions accumulées, ils pourraient faire des rediffusions entre chaque. Parce que même de toute façon, SNL à New York, c'est... La moitié du temps, les reprises, puis l'autre, des fois, non, il y en a pas. Des fois, tu passes deux, trois semaines sans en avoir. Ouais. Fait que d'après moi, ça doit revenir, quand tu calcules, là, ça doit revenir pas mal à ça. Pas mal au même, parce qu'aux États-Unis, tu as environ une vingtaine d'épisodes sur 52 semaines, et il y en a à toutes les 52 semaines par année. Donc, tu as en effet raison, c'est moins que la moitié. Mm-hmm. On peut faire la même chose au Québec une fois par mois. Et tu sais, si on se dit, bon, c'est le premier samedi de chaque mois ou le deuxième ou peu importe, là, qu'on ait une fréquence que les gens puissent savoir qu'il va y avoir un nouvel épisode. Oui, c'est ça, pas juste de même. Tu sais, en voilà un. Aux États-Unis, c'est ça le problème, c'est que c'est n'importe quand. T'sais. C'est ça. Donc, il faut aller sur le site web pour savoir. Mm-hmm. Bref, l'émission semble avoir ravi les accros aux réseaux sociaux. Les commentaires positifs fusaient de toutes parts la fin de semaine de la diffusion, donc il y a deux semaines. Le bon bouche à oreille a d'ailleurs commencé à faire son œuvre. Mise en ligne dans la nuit de samedi à dimanche, la première émission a obtenu un très bon succès sur Internet. Télé-Québec a rapporté 40 800 branchements vidéo en moins de 36 heures. C'est bon. Suivant la diffusion, c'est très, très bon. On aime ça, c'est là qu'on l'a regardé d'ailleurs sur Internet. De toute façon, de nos jours, là, la télévision... Ouais, c'est ça. Les carnets, c'est à quelle heure devant la TV? Si t'écoutes SNL, est-ce que tu vas vraiment le noter dans ton petit carnet de notes? Je sais non. pas. T'sais, ça, on sait jamais. Bref. Tu l'écoutes quand t'arrives dessus. Fait que... C'est ça. Allez, on passe de Télé-Québec, une émission quand même relativement underground. On s'entend que c'est quand même Télé-Québec, là, c'est pas un grand réseau. On passe à une coche au-dessus, mais quand même éloignée dans les codes d'écoute. On parle de Série Noire. Oh. Et on parle des jurons dans Série Noire. Uh-huh. C'est le sujet qui fait jaser. Le co-auteur de Série Noire, Jean-François Rivard, affirme que le nombre élevé de jurons prononcés par les personnages durant l'émission sert à ajouter du réalisme à la série. Ben c'est comme ça. Joué par une publication journalistique à tendance plus ou moins fiable, Jean-François Rivard, je voulais juste pas dire le nom du journal, mais bon. Jean-François Rivard s'est surtout dit amusé de la polémique créée par la chronique de Sophie Durocher dans cette même publication qui révélait qu'environ un sacre aux 3 minutes est prononcé durant chaque épisode de Série Noire. Hey, quand même! Ça, c'est en moyenne, évidemment. Il y a des concentrations, des pelotons. Oui, si on veut. Des pelotons de jeux de mots qui commencent par la même syllabe que peloton. Oui. Donc, dans sa chronique, Sophie Durocher, c'est ça, soulignait que c'était diffusé à 21h à Radio-Canada, donc à une heure de grande écoute, sur un réseau national. C'est rare qu'on voit autant de jurons, et c'est des jurons assez salés, tu sais. Ouais. Des parties sexuelles, si on veut. Donc, Jean-François Rivard a précisé que son but n'est pas de provoquer, mais d'ajouter un certain réalisme à son écriture. Ouais. Il dit, et je cite, et là je vais citer quelques affaires un petit peu moins trash, là. Des vaches, et des manches de la... il va toujours y en avoir dans ce que je fais, dit-il, fin de la citation ici. D'accord. Le porte-parole de Radio-Canada, Marc Pichette, n'a pas commenté. Toutefois, la politique de la société d'État quant à la qualité de la langue dans les fictions est assez claire. Je cite leurs règles. Mm-hmm. Les jurons, les blasphèmes, les termes grossiers et tout autre propos offensant appartenant au niveau de langue vulgaire et très vulgaire peuvent être tolérés dans les dramatiques, les chansons et les autres textes de création. Okay. C'est ce qu'on lit dans le document, la qualité du français à Radio-Canada, deux petits points, principe directeur. Donc, si c'est artistique, dans une chanson, n'importe quoi, tu sais, un poème, du slam, peu importe, ça passe. Si c'est juste dans une conversation d'analyste, mettons, de patinage artistique, ou tu sais, quelque chose de juste une conversation, mettons, au talk show d'André Robitaille, ça serait pas acceptable. Mm-hmm. mais dans une œuvre de fiction, ce l'est. Bon, c'est comme ça, hein? Ça fait penser un peu aussi à l'auteur Michel Tremblay, là, ouais. qui justement mettait beaucoup de sacre pour faire réaliste, comme il disait. Et c'est c'était québécois. Aussi expliqué. Écoutez, c'est notre langue, c'est le Québec, c'est québécois. Fait que il va en avoir. Hein, on va arrêter de faire ça au-dessus du trou. C'est ça. Faites pas semblant que vous sacrez pas, là. Hein? maintenant, une série qui ne sacre pas vraiment, c'est les Simpsons, liés ouais. Comme toujours. D'après moi, t'écoutes pas les mêmes que moi. Ben, c'est ça. Non, mais c'est parce que... je me rappelle, dans les Simpsons, ouais. Ils vont utiliser des sacres, mais qui sont pas vraiment des sacres. Non, je sais. Tu sais, je le dirais même pas, parce que moi, j'ai l'impression que c'est des sacres. Ben non, vas-y! Non. Hey, les gars, moi, je suis les règles. Fox a dévoilé la date de diffusion de l'épisode spécial Lego des Simpsons. OK. C'est vrai. La 550e émission, l'épisode numéro 550 de la célèbre série animée Les Simpsons se nommera Brick Like Me. Elle sera diffusée le 4 mai prochain, donc le second dimanche des sweeps, donc les périodes de grande écoute, c'est-à-dire où les codes d'écoute sont ensuite vendus aux annonceurs. Oui. C'est des périodes importantes. Donc ça commence cette année le 24 avril, les sweeps. Dans cet épisode spécial, Homer se réveille dans un monde où toute sa famille et tout le monde de Springfield est fabriqué en Lego. Il est donc obligé de comprendre ce qui arrive et comment il est arrivé là. Il doit trouver une manière de revenir chez lui. C'est le résumé de l'épisode. Ça a l'air bon, hein? Oh, ça a l'air écœurant! Et si tu vas voir sur assemblagerequis.com, il y a le petit article avec les personnages légaux de Bart, Homer, Marge, Lisa, Maggie et Flanders. Wow! C'est joli. Et évidemment, ça va faire une très, très bonne idée cadeau quand ils vont sortir les Legos, inévitablement. Ah, ben là, c'est sûr. Et puis, ils sont beaux, là! Ils sont vraiment cute! Oh, ils sont écœurants! Marque ça dans ton carnet. OK. Le président des États-Unis, Barack Obama, ça dit peut-être quelque chose. Les États-Unis d'Amérique, c'est en dessous du Canada. Ouais, légèrement. Barack Obama a fait une demande bien spéciale sur Twitter et il a souhaité que ne soient pas révélées les intrigues de la série House of Cards. Show de cartes, l'émission de Netflix. OK. Tous les épisodes de la deuxième saison du thriller politique sur un couple de Washington assoiffé de pouvoir ont été mis en ligne dernièrement sur Netflix dans les dernières semaines. Le compte officiel du président Obama sur Twitter souligne l'occasion tout en faisant une demande simple et je cite « No spoilers, please ». Hein? C'est pas le spoiler, là, révélez pas d'intrigue si on veut. Les membres de la distribution de la série ont apprécié cet appui présidentiel et là, on donne dans l'article un paquet d'exemples des vedettes qui disent « Ah, wow, le président nous écoute, ah, ah, ah. » Mais c'est cool quand même que le président écoute des séries américaines, comme ouais. Tout le monde. Il est derrière la vague Netflix aussi. Oui. Les gens qui se demandent c'est quoi la raison d'avoir Netflix, ben c'est des émissions originales, il y en a plein. Arrested Development, House of Cards. Est-ce que ça vaut pour vous le 8$ par mois? Ben c'est à vous de juger, mais Colin, c'est des séries réputées. Ben bon. Ouais. Yeah. Ben oui. C'est comme ça. Voilà pour Télévision, c'est court en tabarnouche. Et tabarouette, déjà. C'est la moitié du temps qu'on prend d'habitude, mais quand il ne se passe rien, on est entre deux saisons. Ouais. Il se passe rien. Croyez-moi, il se passe rien. Vas-y. Est-ce que ça veut te dire qu'on va avoir plus de chiptunes? Est-ce que ça veut te dire que oui, en effet? Oh no. Oui! Ben, peut-être pas. On va peut-être un petit peu faire plus de scénix que d'habitude. Ouais. On va peut-être sauter moins de choses. C'est pas grave, on verra. Pour l'instant, on écoute J-Red, un habitué du Mathieu Plante Show. Voici Silence, entre parenthèses, Sega Genesis Arrangement. Et un habitué du Mathieu Plante Show. Ben, je le joue une fois de temps en temps. Comment? Comme s'il nous écoutait. On le salue. Salut J-Red. Salut J-Red. J-Red, un habitué du Mathieu Plante Show avec Silence, entre parenthèses, Sega Genesis Arrangement au Mathieu Plante Show. Yay! Je t'ai pris les pièces courtes, hein? C'est le fun, hein? Ben oui! Ouais, ouais. On peut en écouter plus. Ben c'est ça. Maintenant, voici le bloc geek. C'est Nix. CNX.com. C'est le bulletin geek CNX où on fait un petit survol des nouvelles qui ont eu lieu depuis la dernière semaine, depuis les 7 derniers jours dans le domaine technologique, des choses qui vont vous intéresser. J'essaie de ne pas couvrir les nouvelles dont vous avez entendu parler partout et qui se sont propagées sur Facebook. Par contre, la première est inévitable, j'ai pas le choix d'en parler parce que c'est cool. C'est Sony qui vend un Walkman étanche dans une bouteille d'eau. Vas-y. Ça a été partagé pas mal, mais je t'en parle parce que tu vas aimer ça. Ah ouais, vas-y. Vendre un Walkman étanche dans une bouteille, idée originale qu'a eu Sony en Nouvelle-Zélande. C'est évidemment le très catchy NWZW273. C'est pas nouveau, par contre, un Walkman étanche qui est proposé à la vente chez Sony depuis près d'un an. Mais c'est pas une raison pour la firme de laisser de côté ce modèle destiné aux sportifs et même aux nageurs, puisqu'il résiste à une immersion jusqu'à 2 mètres de profondeur. Pour valoriser son produit et attirer le regard des curieux, Sony a donc entrepris de le vendre dans une bouteille d'eau. The Bottle de Walkman est vendu dans des distributeurs automatiques proposés dans certaines salles de sport d'Auckland en Nouvelle-Zélande, donc dans des machines distributrices. Le Walkman en bouteille est proposé au milieu d'autres boissons énergétiques. Donc vraiment, t'achètes ton petit Powerade ou peu importe et ensuite tu ressors de là avec un baladeur qui est dans une bouteille d'eau et les écouteurs sont étanches. Donc tu t'es sac dans les oreilles avec ton casque de bain. T'as l'air d'un casque de bain, tu bois ton Powerade, t'es cool, tu sais. C'est vraiment cool. Douche, bro! Ouais, là. Non, c'est pas si pire, c'est cool. C'est une bonne idée. Ouais, c'est ça. C'est ça, ben oui. Essaye le don, là, avant de chialer. Bah, tu sais bien que j'ai pas besoin de raison pour chialer. Ma chère. Apple, maintenant, un brevet déposé par Apple en 2008 vient tout juste d'être validé. Il concerne un projet de casque capable de surveiller certaines constantes vitales d'un utilisateur. OK. Des constantes vitales, ton battement de cœur, etc. Donc, c'est justement au moment où des rumeurs évoquent l'intérêt d'Apple pour les appareils de mesure de soi, ce qu'on appelle le Quantify Self, qu'un brevet déposé par l'entreprise en août 2008 se décide à refaire surface. Validé le 18 février par le Bureau des brevets des États-Unis, ce projet évoque un casque doté d'un système biométrique capable de mesurer des constantes vitales, comme le rythme cardiaque, le degré de transpiration ou encore la température. Une démarche rendue possible par des capteurs embarqués dans le casque et entrant en contact avec la peau de l'utilisateur. Bien entendu, le casque pourrait être décliné en écouteurs qui permettrait également d'écouter de la musique accessoirement, peut-être même prendre des appels sur son téléphone cellulaire. Donc c'est un brevet. Évidemment, et on parle de ça, c'est super anodin parce que les brevets, ça finit tout le temps par soit arriver dans 10 ans ou juste pas arriver pendant tout. Ça arrive, on sait jamais avec les brevets. Si c'était en 2008 puis ça n'a pas encore eu lieu, ben c'est sûr que ça vient d'être accepté. Bref. Le brevet évoque également la possibilité pour le casque de réagir au positionnement de la tête du porteur. Il pourrait ainsi changer la piste d'écoute en inclinant légèrement la tête ou encore baisser et monter le volume en la baissant ou en levant, donc ta tête. Si Apple n'a pas encore dévoilé aucun appareil de mesure de soi, ce brevet démontre que l'entreprise réfléchit à ce secteur depuis au moins 5 ans. On sait qu'on parle de la iWatch, la supposée future, probable, potentielle montre d'Apple en 2014, entre parenthèses, guillemets, souligné, entouré, puis tout le monde dit ça, puis c'est peut-être même pas vrai, on sait pas. Sérieusement, les rumeurs d'Apple, c'est la chose la moins fiable au monde. Tout le monde parle partout dans les médias du iPhone 6. Mm-hmm. Tout ce que vous entendez, là, c'est tout peut-être pas vrai, peut-être vrai, on sait vraiment pas. Ah non, c'est ça. C'est facile à inventer, hein, puis dire j'ai entendu dire que ça va être plus gros. C'est ça. Là, tu vois ça, salut, bonjour. Ça va être un écran de 6 pouces. Ouais, non, peut-être pas, on sait pas. C'était quoi tes sources, man? C'est tous des mensongers, des menteurs, finalement, je pense le mot. Des menteurs. Des menteurs, finalement. Essaye pas de trouver un autre mot pour ça. Non, non. Des menteurs. Menteurs. Les grands médias. Quoi qu'on n'est pas mieux des fois ici, mais bon. Ensuite, depuis une semaine, ça m'arrive aussi de faire des rumeurs, puis même au moins je le dis, c'est une rumeur. Ouais, c'est ça. Depuis le 12 février dernier, des millions d'utilisateurs de la plateforme de streaming de jeux, donc ça c'est une plateforme où on regarde des gens jouer à des jeux vidéo, c'est très très populaire, ça s'appelle Twitch, ont pris part à une partie communautaire du jeu Pokémon. Ok. Pas loin de 8 millions d'internautes se sont intéressés à la partie de Pokémon hors du commun qui se joue en direct sur Twitch. Sur cette plateforme permettant de streamer des parties de jeux vidéo, un programmeur australien a eu une idée plutôt folle, proposer une version multijoueur du jeu Pokémon sorti sur Game Boy en 1999. Mmh. Mais cette version coopérative repose sur une subtilité. Chaque joueur contrôle le même personnage. Oh! Ça fait un cafouillis total. Aïe, aïe, aïe. Les personnes connectées au chat de Twitch doivent entrer les commandes du personnage dans la zone de texte en tapant up, down, left, oh, right, start, non. Select. Fait que là, ils pourraient faire genre, il y a de l'air d'un tourbillon parce qu'il fait n'importe quoi. C'est ça. Et il y a un délai en plus. Oh non! C'est ridicule. Oh, c'est malade. C'est vraiment le fun à regarder. Il y a une vidéo. Oh. Si vous allez sur assemblagerequis.com, la vidéo se met à jouer tout seul. C'est comme gossant, mais allez sur l'article, ça va jouer tout seul. Ouais, c'est ça. L'interface réagit aux commandes en fonction du moment où elles sont tapées pour les regrouper et permettre au personnage d'avancer ou pas du tout parce que c'est plusieurs dizaines de milliers de joueurs qui s'affairent à jouer en même temps. Et il est donc compliqué d'avancer, mais encore plus d'arriver à trouver la porte de sortie d'un bâtiment ou encore de sélectionner le bon objet dans l'inventaire. D'autant qu'une latence, comme je disais, de 20 secondes au minimum existe entre le moment où une commande est tapée et le jeu et les réactions du jeu. Oh, mais c'est vraiment drôle. Le résultat s'avère très étonnant à tester, nous dit Cubic.com, et plutôt hypnotisant à suivre. Et on ignore à ce jour combien de temps son créateur, qui souhaite rester anonyme, compte prolonger l'expérience. Le développeur ne semble pas pressé d'arrêter et avoue qu'il aimerait bien voir le jeu se terminer par la communauté. Donc ça va être vraiment long. En attendant, il est possible d'observer ou de participer par le biais de la chaîne Twitch dédiée. Encore une fois, le lien est sur assemblagerequis.com, ça ne me donne rien de l'écrire. Mais je le vois et en ce moment, c'est encore en train de jouer. On est rendu à 6 jours, 19h, 51 minutes, 29 secondes, en direct le mercredi, 16h21. Et ça avance vraiment pas vite. Le gars avance, il est devant un baril, puis il sait pas quoi faire. Là. Ah non, c'est ça. Non, il est sur du gazon, puis il est dans le beurre. Ça avance pas. Commande, fait quelque chose. Il recule le beurre. Oh, il ouvre son arsenal. Arsenal? Bref. Utilise un objet. C'est marqué trop important pour le jeter. Ah, bref, c'est super le fun. Allez voir ça. C'est vraiment divertissant. Pour fêter les 25 ans de son album phare, le groupe de musique De La Soul a mis en ligne l'ensemble de sa discographie à disposition gratuitement sur son site internet sous la forme d'une archive à télécharger. Par contre, la source des fichiers MP3 menait vers des fichiers pirates. Ben oui. Okay. Pour récompenser leurs fans de leur fidélité, les membres du groupe De La Soul ont mis en ligne vendredi 14 février dernier, pour une durée de 24 heures, l'ensemble de leur discographie en libre accès. Une initiative généreuse lancée pour fêter les 25 ans de l'album Three Feet High and Rising. La discographie n'est pas disponible sur les plateformes de téléchargement légales, donc c'est pas sur iTunes, notamment en raison d'un conflit légal avec Warner Music et l'ancienne étiquette du groupe. C'est l'origine donc des MP3 proposés qui fait parler d'elle. Dans les métadonnées, donc les informations dans les tags du MP3 de certains morceaux, en particulier dans l'espace commentaire, on retrouve des références à des adresses de sites comme Rapalata, qui est une plateforme de téléchargement illégal. Ce qui laisse penser que De La Soul, leur solution, évidemment, pour proposer des versions numériques, était non pas de ripper les CD, mais juste de les télécharger ailleurs. Mm-hmm. C'est ce qu'ils ont fait. Générosité temporaire qui aura néanmoins eu l'occasion de refaire parler du groupe et d'aider à la mise en circulation sur Internet de nouvelles archives de leur discographie complète. Donc, c'est ça, c'était pour le bien, mais la façon de le faire était douteuse. Je vais aller avec le prochain sujet qui est Pandora. Tiens, dis-moi ce que t'écoutes, je te dirai peut-être pour qui tu votes, nous dit-on. Oh, okay. Le service d'écoute de musique en streaming Pandora s'apprête à introduire un nouvel outil publicitaire qui va permettre aux annonceurs de cibler les utilisateurs en fonction de leur orientation politique. Oh! Étrange. Ouais? Le service d'écoute de musique en streaming, dont le modèle gratuit repose sur l'affichage publicitaire, proposera cette option dès la semaine prochaine. Deux accords ont été signés avec des régies spécialisées dans la publicité politique. L'entreprise se sert des résultats des élections nationales au niveau des comtés de chaque État américain et les croise avec le code postal ou le zip code que chaque membre Pandora fournit au moment de son inscription. L'orientation politique d'une personne est ensuite déterminée en observant si les artistes qu'elle écoute sont fréquemment écoutés dans les zones à majorité démocrate ou à majorité républicaine. C'est du focus group. D'après cette méthode, les usagers qui écoutent de la musique country vivent, devinent dans quelle sorte d'État? Républicain. Quelle surprise! Donc, dans des régions favorables au Parti républicain, tandis que les amateurs de musique électronique, de R&B, jazz et reggae vivent dans les comtés démocrates. Ah ben! Ce qui n'est pas très surprenant. Pandora affirme que son modèle prédictif est efficace à 75-80%. L'entreprise envisage également de proposer aux annonceurs des données liées au revenu en se basant sur le revenu moyen par habitant dans un comté. Ben, le voyant donc. Là, je sais pas s'ils vont y aller avec d'autres facteurs, genre, si t'es républicain, t'es plus riche, tu sais, ça peut arriver. Ouais. Mais si t'écoutes le country, t'es plus pauvre. Fait que là, qu'est-ce que tu fais, tu sais, country, pauvre, riche, républicain, c'est comme tout mêlé. Comment tu fais pour annoncer avec ça, je sais pas. Je sais bien pas, hein. Moi, je pense que ça va être un échec total. Mais bon. Ah, oh, on verra. Il s'essaie dans tout, hein. Ah, ouais. Est-ce que t'as entendu parler de la NEC nomination? Non. On va frôler le sujet un petit peu, mais on va y aller en parlant de Smart Nomination. Donc, Julien Voisson a été nominé dans le jeu d'alcool qui enflamme Facebook ces derniers jours, qu'on appelle la NEC Nomination. Plutôt que de boire, parce que c'est le but de la chose, le jeune Français a décidé de changer les règles du jeu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas NEC Nomination, le principe est simple. Une personne se filme en train de boire des verres d'alcool cul sec. Ce qui est d'ailleurs l'origine de Neck Nomination. Pour ceux qui ne savent pas, Neck fait référence au Neck It, qui veut dire cul sec en anglais. Donc, il nomine ensuite 3 amis et les met au défi d'en faire de même. Donc, ils doivent boire sans cesse. C'est la nomination de la boisson, si on veut. OK, OK. Donc, comme beaucoup de jeunes ces derniers jours, Julien a été nominé dans ce type de vidéo. Il avait 24 heures pour relever le défi, mais il a préféré casser la chaîne et lancer un tout nouveau jeu qui s'appelle le Smart Nomination. OK. Donc, plus de 100 000 personnes ont vu ces images montrant le jeune homme en train d'acheter des hamburgers et des bouteilles d'eau pour des sans-abri. C'est son idée. Donc, à la fin de sa vidéo, Julien nomine à son tour 3 amis qui doivent donner des choses à des sans-abri. Oh. Là, on a en tout cas déjà relevé le défi. Thomas Despins s'est filmé en train de donner toutes ses pièces à un sans-abri, ses pièces de monnaie, ouais. D'offrir un repas à une femme et de donner des vêtements à une association. Oh, cool, nice! Hein? Pour l'instant, sa page compte peu de fans, mais Julien a reçu des centaines de commentaires positifs après sa vidéo. Eh ben oui. On aime cette idée-là. Bravo. C'est pas mal plus intelligent, en effet, que ben le. Là, vraiment. Quel biaisage. Ça prenait quelqu'un pour casser le moule, hein? Tu bois trois. C'est n'importe quoi. Les gens n'ont pas besoin de raison pour boire. Tu bois trois bières, là. Faudrait que t'en boives quatre, toi. Vas-y, vas-y. Ça va arrêter où, hein? Ah, c'est ça. Ça n'arrêtera plus, là. Puis après ça, ça va être de la drogue. Puis ça va ouais, être... c'est ça. Après ça, ça va être le rock and roll. Puis... Bon, là. Les jeux vidéo. Emporte-toi pas, là. Calme-toi. À la droite. Des clones de Flappy Bird retirés des boutiques d'Apple et de Google. On en parlait un petit peu la semaine passée du fait que l'original de Flappy Bird avait été enlevé. Il y avait eu des copies. Ouais. Bon, mais maintenant, les copies sont finies. Ben voyons donc. Non. Mais il en reste sur le web, mais pas sur l'Apple Store ni le Google Play Store. Comment ça? Parce que les compagnies comme Apple et Google veulent pas qu'il y ait des imitations d'applications. C'est comme ça. Donc, les nouveaux jeux cherchant à combler le vide laissé par le retrait de Flappy Bird semblent être systématiquement rejetés du côté de Apple avec son App Store et du Play Store de Google. Rongé par les remords, on se rappelle, pour ceux qui se rappellent pas de l'histoire, je vous en parle, rongé par les remords d'avoir créé une abomination, Dong Nguyen a demandé la semaine dernière que l'on retire le populaire jeu des boutiques. Il n'en fallut pas plus pour que les opportunistes tentent de capitaliser sur le phénomène en proposant leur propre version du jeu. Mais selon TechCrunch, Apple et Google sont apparemment en train de prendre des mesures afin d'éviter que leur boutique se retrouve inondée d'imitations. Le développeur Ken Carpenter a manifesté sa frustration sur Twitter après avoir reçu un courriel d'Apple lui informant que l'application qu'il avait soumise était rejetée puisqu'elle tente, et je cite, de tirer parti d'une application populaire, malgré le fait que le jeu n'est plus sur le App Store. Ouais, mais tu sais, dans la vie, là, c'est rien que ça. De l'imitation. C'est ce que t'appelles du marketing, puis. L'imitation est la plus sincère forme de flatterie, comme ils disent en anglais, mais mal traduit. Mais non, mais c'est vrai pareil, là, tu sais. Je comprends pas pourquoi ils veulent tant qu'il n'y en ait pas d'autres. En plus, c'est que Flappy Bird est lui-même une copie des tuyaux de Mario Bros. Oui? Et les décors de Mario Bros. Oui. Donc, le jeu original est une copie d'elle-même. Oui, oui. C'est bon. Tout à fait. Donc, on retrouve une panoplie de clones de Flappy Bird au sommet du palmarès des applications iOS les plus téléchargées. C'est le cas notamment de Splashy Fish, City Bird et Iron Pants. D'ailleurs, il y a Pew Pew, un jeu qui emprunte les mêmes mécaniques que Flappy Bird et dont la mise en ligne a également été rejetée par Apple. Le problème, c'est qu'il avait été lancé en 2010, 2 ans avant Flappy Bird. OK. Ils ont décidé d'enlever pareil. Ils l'ont enlevé parce que là, maintenant, ça a l'air d'une copie. Mais ils ne se sont pas renseignés sur la date de mise en ligne. Ils devraient juste pour ça, là, ils devraient se réintégrer. le réintégrer et lui donner de l'argent. Ouais, c'est ça. En tout cas, non, mais ils devraient la remettre... qu'on puisse le downloader là. Instantanément, oui, maintenant. Ça. Exact, oui. D'après moi, c'est ce qui va arriver. Parce que là, en 2010, là, ça fait quand même 4 ans. Là. Oui. Et c'est Apple, je veux dire. S'il y a quelqu'un qui sait la date de mise en ligne d'un produit, c'est bien Apple parce que c'est... Fais-moi pas croire que tu le savais pas. Là. N'importe quoi. Ah, Seigneur. Seigneur. Donc, ça, c'est un sujet dont tout le monde parle et je voulais le prendre par la bande. Même chose, parlant de prendre par la bande. tout le monde parle de Facebook et du nouveau statut côté genre sur Facebook. Donc, les abonnés anglophones de Facebook ne seront plus seulement limités à la catégorie homme ou femme pour enseigner leur genre. Le réseau social a annoncé les options transsexuelles, intersexuelles. Oh! Donc, c'est cool et on encourage ça. Okay. Justement, c'est le fun de pouvoir en parler de façon positive ici, alors que partout ailleurs, on en rit. Donc, outre le genre, les abonnés ont aussi la possibilité de choisir le pronom personnel par lequel ils voudraient être interpellés dans les messages. Donc, on peut avoir à côté du lui, il ou encore elle, il va y avoir on qui est jugé plus neutre. Ah, cool. En anglais plus qu'en français, je te dirais. Ouais. Je cite, nous voyons ces évolutions comme un moyen supplémentaire pour faire de Facebook un lieu où les gens peuvent exprimer librement leur identité. Félicitations, on aime ça. Facebook indique avoir collaboré avec des associations de défense des droits des lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transgenres, donc LGBT ou GLBT ou peu importe l'ordre, c'est utilisé de plusieurs façons, pour créer ces nouvelles options qui peuvent être trouvées dans la catégorie autres. Pour l'instant, les options ne seront disponibles que pour les gens qui utilisent Facebook en anglais. Mais Facebook prévoit les étendre à d'autres régions dans l'avenir. J'ai vu la liste ailleurs sur un autre article. Il y a comme une trentaine d'options qui vont être difficiles à traduire en français. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ils vont s'approprier ça. Comment ils vont l'arranger. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui vont servir sous un seul thème en français? Parce qu'il y a vraiment des termes. Peut-être. Il y a trans woman, trans man et trans person. Donc, si t'es trans, mais que tu te détermines pas d'un sexe ou de l'autre, en français, qu'est-ce que tu fais avec ça, une trans personne? Ça va être difficile, mais bon, on va leur laisser le temps de l'adapter. Ouais. C'est cool quand même. Ben bravo, hein, pour une fois que Facebook fait quelque chose de bien. De bien, c'est ça. Et il sert à quelque chose. Oui. Pour une fois. Maintenant, parlons de jeux vidéo. Chroma. Le FPS en musique chez Harmonix. Tu te rappelles peut-être de Harmonix, qui sont ceux derrière... Bref, je vais lire l'article, puis ça va le dire dedans. Après, je vais essayer de l'inventer. Je t'écoute. Terminer le temps des gros contrats avec MTV. Par exemple, ici, on parle de Rock Band et Microsoft avec Dance Central. La fièvre du jeu de rythme instrumenté est loin derrière nous et Harmonix Music Systems vit maintenant comme un studio indépendant et dévoile un projet totalement original qui mêle le first-person shooter, donc shooter à la première personne, et le jeu musical. OK. En partant de la formule du FPS en arène, Harmonix entend bien livrer une interprétation inédite du genre. Dans Chroma, je cite, « La musique est votre arme, le son est votre arsenal. » Donc, ça me prouve que le mot était arsenal et non pas arsenal, par la bande. Le joueur incarnera donc un guerrier musical, ce qu'on appelle un fader. Salut! On connaît quelqu'un qui s'appelle Fader. Salut, Fader! L'animateur de À Livre Ouvert, les jeux de soir. Qui déchirera ses ennemis grâce aux ondes émises par des basses violentes, des guitares électriques stridentes, des percussions oppressantes ou pire, des synthés assassins. OK. On l'aura compris, le jeu proposera différentes classes liées à un style musical et à un gameplay propre pour une diversité sonore qui s'annonce intéressante une fois sur le terrain. Et pour assurer un peu de vécu côté FPS, le jeu est développé en partenariat avec Hidden Path Entertainment, qui sont ceux qui travaillent sur Counter-Strike Global Offensive, et s'appuiera sur la technologie de Unreal Tournament. Uniquement prévu sur Steam, ça c'est la grande communauté de jeux vidéo sur steampowered.com, je crois, l'adresse. Il y a des millions et des millions de gens qui jouent là-dessus. Je pense qu'il y a plus de gens qui jouent là-dessus que sur console, mais bon, allez regarder des chiffres par vous-même sur le site. Le compteur est sur la page d'accueil. Donc, Chroma va être distribué en tant que free-to-play avec la promesse d'un design qui sera éviter le pay-to-win. Ça, c'est où tu dois acheter des affaires dans le jeu. On te force à acheter des affaires pour si tu veux gagner ou avancer dans le jeu. Ils vont éviter ça. Là, les amateurs peuvent s'inscrire à l'alpha en allant sur le site web qui est via assemblagejockey.com parce que l'adresse est assez longue. Et sur la Wii U, les jeux de Game Boy Advance s'en viennent en avril sur la Wii U. Oh. Étrange parce que c'est une console portable, Game Boy Advance, et là ça va être sur une grande TV. C'est. On s'attendrait ils plus vont à ce l'adapter, que. J'imagine. D'après moi, ça va être pixelisé pas mal. J'aurais préféré les jeux de Game Boy Advance sur la Nintendo 3DS. Ouais. Il y en a quelques-uns pour ceux qui. En tout cas, bref, l'histoire est longue. Il y en a quelques-uns sur la 3DS. Mais là, ça va être sur la Wii U. Satoru Iwata a annoncé le coup d'envoi des jeux Game Boy Advance sur le service console virtuelle de la Wii U. Les premiers titres vont commencer à arriver en avril. Ainsi, le constructeur nous donne rendez-vous au printemps pour retrouver les premiers titres de la portable aux 81,5 millions d'exemplaires, à commencer par Metroid Fusion, Mario & Luigi Superstar Saga et Yoshi's Island de Super Mario Advance 3. Le Japon, qui accueillera le service le 3 avril, aura notamment droit à Golden Sun, WarioWare Inc., Advance Wars 1 et 2 et Kirby and the Amazing Mirror pendant la première vague. À l'heure actuelle, la console virtuelle de la Wii U propose les jeux de NES et de Super Nintendo. Certains jeux de NES et de Super Nintendo, vraiment pas beaucoup, là, avec quelques touches de PC Engine, donc au Japon. Pour le futur, l'arrivée des jeux Nintendo DS et Nintendo 64 a déjà été évoquée sur la Wii U. Donc, on pourrait voir les jeux de Nintendo DS sur la Wii U. Ça serait cool. Évidemment, des jeux tactiles, c'est plus difficile à adapter. Ouais, c'est ça. En fait, je me demande vraiment comment tu peux jouer un jeu de Nintendo DS sur la Wii U. Attends un peu. Sur la Wii U avec le gamepad, c'est ça. Ah, okay. Ben c'est moi qui réfléchis pas avant de parler. Ah oui, on l'oublie un petit peu. Là, c'est parce qu'on s'en sert pas. Moi, je joue à la Wii U, je me sers rarement de mon gamepad. Ouais, c'est ça. Très rarement. Mais tu sais, si t'avais l'écran du haut de la Nintendo DS sur la télé et l'écran du bas sur ton gamepad, j'avoue que ça pourrait être fun. Ah, ouais. Bon concept. Pour lancer des objets ou choisir tes armes, c'est cool. Donc voilà pour le bulletin Geek Scénix. Yeah! Yeah! Déjà! Au retour, le tour du web dans What Web. On a aussi la geekette en devenir. Mm-hmm. Et d'après moi, on devrait pouvoir se rendre jusqu'à C'est un fait. C'est vrai qu'on l'a fait. Ouais. Donc, c'est au retour au Mathieu Plante Show MPS sur C'est fou. Chose 89.1 FM. La station. Salut, Jared. We'll be right back. dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Vous êtes toujours avec Mathieu Plante et Marie-Ève Picard, ou Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante Chose? Chose, là, qui parle plus vite que son nombre, là. Chose sur la station, là. Ouais. On entend partout, là. À radio. À radio. Donc, dans cette deuxième partie, on aura Wow at Web dans quelques instants, mais après ça, les quelques heures de venir. Oui. Ça va être bon, ça. Je resterai ouais, pour ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Mais on va débuter cette portion par. Vas-y. Peux-tu donner un indice? OK. Il va y avoir un petit peu de. Disney? Non! Pas du Disney dans la Geekette en devenir, c'est du jamais entendu! Je sais, mais c'est forcé en plus. C'est arrangé avec le gars des entendus! Ben oui! Mais on débute en chiptune cette portion d'émission. Voici Lucas Noah et CC on my fourth LSDJ track. Je pense que le gars voulait vraiment être... il voulait nous expliquer que c'est la quatrième, ou son quatrième, sa quatrième chanson. Tu sais? Ouais. Je pense qu'il est très... Bref, on l'écoute. Ben oui! Lucas Noah et CC on my fourth LSDJ track. Donc vraiment, c'est sa quatrième chanson qu'il fait sur LSDJ, qui est un logiciel pour monter du chiptune. Et il dit sur chipmusic.org qu'il commence là-dedans, puis qu'il comprend pas encore ça, puis qu'il veut vraiment s'améliorer dans LSDJ. Quand même, je la trouve bonne, cette chanson. Bon, c'est une bonne chanson. Ouais. C'est pas le contraire. Non, j'ai dit ouais. T'as le droit, t'as le droit. Maintenant, voici Wow What Web. C'est Wow What Web, comme dans Colin, c'est donc bien cool ça, hein? Wow What Web! Donc on commence avec Kerry Scarbacca C'est une série d'autoportraits par Kerry Scarbacca, mais c'est pas des selfies, là. C'est pas des petites photos là, prises avec son appareil photo à distance, là, comme tous les jeunes, les pics de chicks. Ça me tape tellement ses nerfs, ces mots de selfies, là. Mais bref, à la place, Kerry tombe. C'est l'idée derrière ça, Falling. Donc, c'est Portraits of a Man Falling. On le voit tomber dans la douche. On le voit tomber d'une échelle. On va tomber de son vélo. On va tomber vers sa mort et plus encore. Donc, c'est vraiment des photos de lui, de loin, en train de tomber de quelque chose. Donc, c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'il a cadré ses photos à l'avance. Il a scénarisé où il allait tomber, comment il allait tomber, dans quelle position, tu sais, peut-être pas à quelle vitesse. Mais quand même, ça prend de la planification pour réussir à cadrer son image correctement alors que t'es même pas en train de prendre ta photo et t'es en train de tomber d'une échelle, d'un escabeau. Ouais, c'est ça. C'est cool. Vraiment. On le voit tomber, c'est ça, en vélo, tête première. On le voit tomber en bas d'une bâtisse, mais tu sais, j'imagine qu'il est comme au deuxième étage, peut-être. Il tombe sur un matelas, mais on le voit pas. C'est comme ça, la planification, pour pas qu'il ait l'air de se faire mal tout en ne se faisant pas mal. On le voit tomber en bas des marches, des escaliers. C'est quand même bien fait. Allez voir ça, c'est sur assemblagerequis.com. Ouais. Ensuite, la plot clock. Oui, j'ai dit ça, mais c'est en anglais. Mathieu! C'est en anglais. Plot Clock, P-L-O-T, Clock. C'est fabriqué par un membre du site Thingiverse. Il s'appelle Drew. Donc, Plot Clock, qui écrit son propre nom à la main. Ben, à la main, entre guillemets. Et ensuite, l'efface. Donc, c'est vraiment un robot avec un crayon, genre style crayon feu de Sharpie. Et donc, le robot a des petits bras. Et il va écrire sur une surface l'heure avec le crayon feu. Le robot, il n'y a pas d'humain là-dedans. Okay? Ouais. Donc, c'est juste le robot. Il va écrire l'heure, par exemple, mettons 20h01. Et ensuite, il va effacer le robot, son heure, et il va réécrire 20h02. C'est ça, c'est une horloge robot qui écrit son heure elle-même. Wow. C'est basé sur un ordinateur qui s'appelle Arduino Uno. Et des composantes imprimées avec une imprimante 3D. Donc, on peut voir la vidéo dans le fond du robot en train d'écrire l'heure et de l'effacer. Ça n'a aucune utilité. C'est futile, comme on dit. Mais je trouve ça vraiment cool. Ben, c'est juste cool. C'est un robot qui écrit l'heure. Yeah. Yeah. Ensuite de ça, quelques petites applications sur iOS, iPhone, iPad et autres. Commençons avec Secrets au pluriel. Si vous avez un secret à partager, mais vous voulez pas le dire à personne, vous voulez juste vous soulager, vous voulez soulager votre désir de dire quelque chose à quelqu'un sans lui dire, il vous faut l'application Secrets. C'est l'écrit au pluriel et au singulier, dépendant ou douté dans l'article. Disons qu'on s'en fout un petit peu. Mais c'est sur le iTunes Store en ce moment, c'est gratuit. Donc, vous pouvez poster des pensées comme ça, n'importe comment, vos secrets les plus sombres, à une communauté de gens qui, eux aussi, veulent partager ces secrets-là. Ce qui rend ça différent, c'est que seulement les gens que tu as dans tes contacts peuvent lire le secret. Donc, faut que tout le monde dans tes amis ait secret, l'application Secret. Mm-hmm. Okay? Et c'est tes amis qui vont recevoir le secret, mais ils ne sauront pas de qui ça vient. Oh. Donc, potentiellement, si vous êtes un groupe de 5, 6, 10 amis, oui. Les autres vont savoir que quelqu'un dans le groupe a ce secret-là. Secret, ouais. Mais c'est qui dans le groupe? Oh. C'est excitant, pareil. Ah, oh, vraiment. Ouais, mais là, quand t'es juste quelques-uns, c'est plus plat. Mais quand t'es juste quand deux, ouais. non, mais... OK, ça s'appelle Couple. Couple. L'application Couple, exactement. Ça ne marche vraiment pas bien. Qu'on n'aime pas du tout. Non, vraiment pas. Quand t'es peut-être une trentaine de gens... Ouais. Ça commence à être intéressant. Peut-être dans un cours, mettons, tu sais, des amis de bac, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, les gens peuvent voir, aimer, liker, ils disent love, commenter sur vos posts. Et une fois que votre ami aime votre secret, c'est partagé à ses amis à lui. Et si eux aiment ça, ça va aller encore plus loin. C'est comme exponentiel. Oh mon Dieu! Et quand ça va au-dessus de 2 degrés, ça va être marqué avec l'endroit où ça a été situé, par exemple, mettons, Trois-Rivières. Donc, t'as comme des buts à atteindre. Okay. C'est le fun, c'est Secret sur iTunes App Store. Et oui, je confirme que c'est bien Secret au singulier. Et si vous voulez le chercher, le trouver, c'est Secret Speak Freely. C'est le slogan de ce truc-là. Et l'icône est un petit chaton. Mais il n'y a jamais de danger. Il n'y a pas de danger que quelqu'un, finalement. Pas supposé. Découvre. Ben, tu le découvres maintenant parce que tu parles, mais je veux dire, par rapport à l'ordinateur quand tu regardes sur le. T'es pas supposé. Et en plus, tu postes une photo et un texte. Donc, par exemple, il y aurait une photo, mettons, de gens sur la plage et ça dit j'aime la plage, mais je sais pas nager. C'est un secret de quelqu'un qui a posté ça. C'est cool, hein? Oh, c'est hot. On reste dans les applications iPhone et autres. Confide maintenant. Si vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, OK? Mais vous voulez pas que le message soit sauvegardé. C'est un peu le Snapchat du message texte. Snapchat, tu prends une photo, ça dure 7 secondes, mettons. Ouais. Bon. il s'est effacé après ça. Confide fait la même chose, mais avec du texte. Cool. Donc, vie privée, confidentialité, c'est le mot d'ordre. Ça vous permet d'envoyer des messages encryptés qui vont s'autodétruire après leur lecture. Il y a même une fonction Swipe to Read qui va empêcher de prendre des captures d'écran. Tu sais, sur Snapchat, oui. Tu peux prendre une capture d'écran. Ouais, c'est de pas chasser, là. Mais ici, c'est que pour voir le message, il faut que tu tasses avec ton doigt. Et donc, pour prendre la photo, il faut aussi que tu te serves de tes doigts. Oui. Tu peux pas faire les deux mouvements en même temps. Oh. C'est vraiment cool. Donc, c'est ça. Ça va envoyer une notification, un avertissement à la personne qui envoie le message une fois que leur message est lu. Et tu peux alerter les gens qui ont un message privé en attente via courriel ou SMS. Ça leur dit, bon, vous avez un message à aller lire dans l'application Confide. Ils doivent évidemment télécharger l'application Confide pour pouvoir le lire. On peut télécharger ça gratuitement sur iTunes. La compagnie prévoit faire une version Android. Ça s'appelle Confide sur le iTunes App Store. Maintenant, revenons à notre Flappy Bird adoré. Flappy! Évidemment. Il y a une version MMO. Donc ça, c'est jeu massivement multijoueur de Flappy Bird qui est sur flapmmo.com, flapmmo.com. C'est vraiment une version multijoueur. Pareil comme le Pokémon de tantôt dans CNX, Bulletin Geek. Ici, oui. Par contre, c'est qu'on les voit tous se jouer en même temps. Il y a de la misère à se connecter au serveur en ce moment, mais tu sais, l'université, sa connexion le mercredi après-midi, je sais pas ce qu'ils ont. Mais je peux pas en fait, pourquoi je vous le montrerai parce qu'on est à radio, mais je voulais expliquer un petit peu le concept. C'est qu'on voit tout le monde jouer en même temps. Tout le monde joue son propre Flappy Bird, mais il y en a comme une centaine d'affiches à l'écran en fantôme, et toi, t'es celui qui est en avant, et là, tu dois passer entre les tuyaux comme la formule classique de Flappy Bird. C'est la même chose, c'est les mêmes décors, les mêmes petites bâtisses, les mêmes petits gazons, les mêmes petites terres, les mêmes petits oiseaux et les mêmes petits tuyaux. Donc, c'est flapmmo.com où tout le monde joue en même temps, mais ce sera pour une autre fois dans mon cas. Toujours dans Flappy Bird, j'ai déjà parlé de Oculus Rift. Au Mathieu Plancho, c'est un système de réalité virtuelle. Tu te mets le casque et quand tu bouges en temps réel, quand tu vas tourner ta tête par à droite, dans le jeu vidéo, tu tournes par à droite. Mm-hmm. Donc, tu suis vraiment le mouvement et c'est en 3D. C'est super cool. Oculus Rift, il y a une version de Flappy Bird pour ça. Elle s'appelle Floculus Bird. Bien sûr. C'est pourquoi chercher plus loin? Oui. On joue à Flappy Bird à la première personne. Donc, vraiment, tu vois... bon, pour ceux qui connaissent pas Flappy Bird, ça va être difficile à expliquer, mais bon, tu joues un oiseau qui passe en des tuyaux. Sauf que là, tu le vois comme si tu affrontais les tuyaux devant toi au lieu d'être par à droite ou par à gauche. Ah, OK. Donc, tu sautes dans ton Oculus Rift et les tuyaux sont en 3D devant toi. Ah, ça doit être encore plus dur. C'est genre essai impossible plutôt. Donc, c'est le designer de jeu Holden Link qui a fabriqué Floculus Bird, la variante de Flappy Bird pour l'Oculus Rift. Holden a fait ce jeu-là dans ce qu'on appelle le Flappy Jam, qui est un game jam, donc une soirée ou une fin de semaine ou peu importe, où les gens créent des jeux pour aider le développeur de Flappy Bird, Don Nguyen, dont on a parlé dans CNX tantôt, lui qui a reçu du harcèlement et de l'attention négative par rapport à son jeu. Donc, on essaie de ramasser de l'argent pour l'aider alors que le gars fait 50 000 $ par jour. De profit direct de Flappy Bird, mais bon. Bref, c'est peut-être pas pour lui donner de l'argent, mais au moins pour le soutenir moralement, bref. Ouais. Vous pouvez aller voir des vidéos YouTube de ça, remplies de jurons, mais on sait qu'on aime ça les jurons, hein, depuis Television tantôt. Visitez le site web de Holden pour jouer au jeu dans votre furteur ou encore le télécharger gratuitement. Donc, c'est pas seulement pour Oculus Rift. Vous n'avez pas besoin de Oculus Rift du tout, mais si vous l'avez, vous pouvez aussi l'essayer là-dessus. Jouez dans votre furteur à ce Flappy Bird version 3D et première personne. Ensuite, Darth Vader fabriqué à partir de vieux gadgets. Darth Vader, qui est évidemment un personnage très connu de la Guerre des Étoiles, mais celui-là fabriqué à partir de circuits électroniques, de télécommandes de PlayStation, de iPod, de Game Boy et de souris. Donc, c'est vraiment très, très visuel tout ça. C'est fabriqué par un artiste de l'Argentine. Oui. Elisa Naranja Metallica, qui est son nom. Donc, inspirée par la pop culture, la culture populaire. Elle utilise des jouets, des déchets, des bijoux, des produits électroniques, même des vieilles disquettes et une cartouche de Super Nintendo pour faire des personnages, par exemple, My Little Pony, les petites pouliches. Là. Oui. Version trash, avec des petits trucs de liqueur, des petits trucs de métal de liqueur. Oui, oui, oui. Bref, un paquet d'affaires comme ça. Allez voir sa page Flickr via assemblagerequis.com et allez cliquer sur les versions haute résolution pour voir vraiment les détails de chaque objet parce que c'est vraiment tout petit, les détails. Oui, c'est ça. C'est fabuleux. Ensuite, un autre projet de Do It Yourself, donc des choses faites à la main. C'est une sonnerie de porte, mais Super Mario. Donc, sûrement la meilleure sonnerie, évidemment, de tous les temps. C'est une petite sonnerie qui a été fabriquée à la main. Et là, quand t'appuies sur la sonnerie, ça va faire un bruit de scène et ça va augmenter le compteur d'une coche. C'est le fun, hein? Mmh. D'une coche à chaque fois que tu cliques dessus. C'est Joe Tsai qui a fabriqué ça. Donc, allez voir, c'est cool. Des affiches de Lego. En fait, ça, c'est la compagnie Lego Et puis, ils ont pris pour faire de la promotion pour le film Lego Movie. Mm-hmm. Évidemment, un énorme succès. Oui. Oh, excuse-moi, c'est pas Lego qui fabrique les affiches. Je recommence. Ah. OK, donc c'est ça. Le Lego Movie est en ce moment un très, très gros succès. Les gens chez Yahoo Movies, le site web, ont demandé au designer graphique Old Red Jopy de créer une série d'affiches sous le thème de Lego, mais par rapport aux nominés pour, ou aux nommés pour meilleur film aux Academy Awards des Oscars, la 86e édition. Donc, les gens chez Yahoo Movies ont demandé à ce designer graphique-là de refaire les posters, les affiches qui sont nominées. Bon. Donc, on voit par exemple Her, le film de réalité virtuelle, Gravity, il y a American Hustle, et tout ça avec des Lego. Donc, on voit les affiches avec les personnages de American Hustle, mais en Lego. C'est juste cool, c'est super visuel, mais quand même, c'est le fun. Il y a le Wolf of Wall Street, Avengers, les X-Men First Class. Donc, bon, bref. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Et finalement, il y a un band de musique, un groupe de musique, mais de robots, dont le guitariste a 78 doigts. Donc, c'est un groupe composé de robots, c'est Compressor Head. Vas-y. Non, continue. Compressor Head, donc, c'est ça. OK. Attention, il y a un gars, c'est tellement mêlant, les articles sont tellement mal écrits, je les ai pourtant lus d'avance, mais bon. Il y a une étiquette britannique, Warp Records, qui va bientôt sortir un album composé d'un groupe de trois personnes robots, donc des robots japonais, nommés Z Machines. C'est le nom du groupe Z Machines. Le guitariste a 78 doigts, c'est un robot évidemment. Mm-hmm. Le batteur a 22 bras. Et les créateurs du groupe se sont rassemblés avec le compositeur Square Pusher pour explorer le domaine de la musique avec ces robots-là. Et éventuellement, ils ont fait un maxi de 5 chansons. Donc évidemment, leurs membres et leurs doigts en surplus veulent dire qu'ils peuvent jouer à de la musique comme aucun autre humain peut le faire. Mais composer avec ces membres-là, c'est quand même difficile pour les créateurs de la musique parce que bon, les robots composeront pas la musique eux-mêmes, ils vont l'exécuter. Mais il faut que quelqu'un l'écrive. Ça devient très compliqué quand un robot a peu importe combien de dizaines de membres. Donc, par exemple, le guitariste peut jouer beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre humain parce qu'il a comme 78 doigts, mais il est pas capable de contrôler son amplitude. Moi, je connais pas la musique, je fais juste lire ce qu'on me dit ici. Mais leur album s'appelle Music for Robots, ça devrait être lancé le 8 avril prochain. Et si vous êtes fin, je pense que j'ai l'extrait à aller entendre de ces robots-là qui jouent de la musique. Donc, on écoute Square Pusher et Z Machines avec ce futur succès, certainement. On écoute un extrait, du moins. Si ça te dérange pas, j'avance dans le milieu du vidéo, ça là. Ben non. De la vidéo. Voilà. Wow. Ben, c'est beaucoup de bruit en même temps, hein? C'est, Ouais, ben tu sais, c'est pas si mal. Non, c'est pas déplaisant, c'est bien. Ça fait différent. Mais tu sais, c'est moins impressionnant de les regarder que je pensais que ça allait être. Ouais. Il se passe comme pas grand-chose, là. Oh, mais là, c'est des robots qui font juste exécuter. Ouais, mais il aurait dû leur donner du style, tu sais, un petit peu de mots. Oh, mais ça va peut-être venir, là. Sûrement. Là, ça commence. Hein? Une fois la chanson écrite, la musique propagée, la musique s'est composée. Ouais, pour le gars, l'hésitant, là, il a déjà assez à écrire la chanson. Mais bon, donc allez voir la vidéo complète. À la fin de l'article, on dit l'inévitable collaboration avec Daft Punk s'en vient probablement. Ah! J'avoue que ça aurait du sens. Ouais. Je verrais Daft Punk chiller. Daft Punk is the machine. Bref, allez voir le lien sur assemblagerequis.com. C'est tout ce que j'ai à dire de ce côté-là. On va y aller avec une petite pièce de chiptune. Ça te tend dessus? Non, pas de chiptune. Oh, oui, vas-y. Vas-y. Donc, on s'en va entendre Nos Planètes avec la pièce Sony. On vient avec la Geekette en devenir. Restez là. Tu vois, télévision durait 2 secondes, fait que j'ai élargi mes autres chroniques. Fait qu'on va arriver qu'on va manquer de temps. Comme ouais. Tout. C'est comme ça. Hey. C'est de même qu'on fait ça. We'll be right back. Nos planètes et la pièce Sony au Mathieu Plante Show. Maintenant, on enchaîne tout de suite avec notre fabuleuse geekette en devenir. C'est la geekette en devenir, évidemment, celle qu'on appelle aussi par son vrai nom Marie-Ève Picard. Eh oui, ben oui, ben oui. Elle qui parcourt le net comme une aventurière vierge offensée. Ben genre que t'es nouvelle sur Internet, c'est pas vrai, c'est même pas vrai. Mais t'es pas aussi avancée que moi en termes de connaissances, donc tu nous montres un petit peu, tu nous montres comment fureter Internet avec des petites découvertes vraiment cool. Oui. Mm-hmm. Hey, on pourrait même m'appeler Marie-Ève Geekette Picard. Ben, c'est ce que je fais tout le temps. G. Marie-Ève G. Picard. Marie-Ève G. Picard. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Oui. Ben alors, un petit peu, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, un peu de Disney. Alors, on va commencer. Ben, je trouvais ça vraiment le fun. En fait, l'artiste Harry Wynn Smith, un DeviantArt user, a fait, dans le fond, une carte du monde de où est-ce que les films de Disney se font. Aha! Oui. Pas l'endroit où ils ont été fabriqués. Se passe. Se déroule, ouais, finalement. C'est okay. Ça, se déroule. Oui, excusez. Donc, c'est ça. Fait que tous les films comme, tu sais, Pinocchio, La Belle et la Bête, Pocahontas, etc., etc., là, pour ne pas toutes les nommer. Donc, il y a la carte du monde et ils ont tous des points. Donc, on voit une image du film là, pour voir... On voit qu'il n'y a pas encore eu de film au Québec. C'est... Non, c'est ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, malheureusement. Mais tous les continents sont pas mal représentés. Il y a même, c'est quoi, il y a l'Alaska, genre, l'Antarctique. Ouais. Il y a un paquet d'endroits quand même éloignés. Oui, quand même. Il y en a moins, mettons, en Europe. Puis, mais c'est surtout en Amérique du Nord. C'est ça. Quelques-uns en Asie, quand même. Non, c'est cool. C'est bien d'avoir pris le temps d'aller voir ça. Parce que c'est souvent... C'est pas tout évident, là. Non. Quand t'écoutes le film, en tout cas... Tu sais, on voit que ça se passe, mettons, au Moyen-Orient, dans des endroits qui sont vagues, mais là, on peut vraiment pointer les régions, les pays, c'est cool. Oui, je trouve ça vraiment le fun. Oui. Oui. Ewan Smith, le lien sur le site. Ouais, c'est ça, allez voir. Mathieu va s'occuper de mettre ça, là. Fabuleux, c'est déjà fait. Super. Ensuite, pour continuer dans la vague Disney... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, mais ça aussi, c'est une bonne idée. Oui. OK. En fait, c'est des images, mettons, des princesses de Disney. Uh-huh. Mais en arrière d'elles, en fait, on voit comme l'ombre du méchant. Oh! Du vilain. De son vilain, oui. Du vilain de la princesse, si que on je veut. Je ne connais pas leur nom, mais je reconnais la forme. Oui! C'est vraiment le fun. Ben, c'est pas drôle, là, mais je veux dire... Non, c'est ça, c'est pas drôle c'est du tout. C'est pas dans ce sens-là. Ils sont sûrement en train de proche de se faire attaquer. Ben, c'est ça, c'est comme, tu sais, si ça disait « Fais attention! » Il est derrière toi! Ou peut-être qu'il est juste en train de dire une vacherie contre la personne, puis là, il est derrière moi, je te gage. Hein. Ben ouais, c'est ouais, ça. Ouais, peut-être aussi. Comme ça arrive tout le temps dans la vie, oui. Tu passes un commentaire négatif, la personne est juste à côté de toi. Ça. C'est peut-être ça. Ben oui, c'est ça. Écoute. Mais c'est très le fun à regarder. C'est joli. Voilà. Et en plus, les femmes, donc les princesses, ont comme l'air de ne pas avoir vraiment de face. Tu vois qu'ils n'ont comme pas d'yeux. C'est bizarre comme concept, mais c'est bien, c'est beau. Ouais, c'est ça. Joli. C'est pour mettre l'emphase sur le méchant. Ouais. Il y a même le petit chien des 101 Dalmatiens avec en arrière Cruella de Vil. Ben oui. Cool. Oh, très bien fait. C'est cute. Ouais. Oui. Ensuite, les gens de chez Shutterstock ont demandé à l'illustrateur Echo Chertnik. En fait, de refaire des parce qu'en fait, c'était la Saint-Valentin, tu sais. Sans blague. Mais oui, mais oui. Et donc, tout le monde était dans le mood de Saint-Valentin. Et donc, ils ont demandé là, à l'illustrateur de refaire un peu les portraits de façon... Valentine. Quasiment Saint-Valentin. Oui, c'est quasiment ça. Quasiment roman à l'eau de rose. Là. Oui, c'est ça. Pour les jeux vidéo, en fait. Je sais pas si je l'avais dit, là. Donc, c'est ça. Refaire les couvertures de jeux vidéo avec, c'est ça, de façon à l'eau de rose. Et waouh, ils ont rendu Zelda, la princesse de Link, to the Past, la série des Zelda, et la princesse Peach de la série de Mario. Vraiment très sexy. Je sais pas sur qui ils sont basés, mais ouais, bravo. Je sais pas, hein. Puis, tu sais, il y a des petits noms, ils ont comme des petits titres un petit peu cocasses, là. Ah, The Forbidden Peach. Oui. oui. La pêche interdite. Ça, ça a l'air de quelque chose que tu retrouverais sur le bord d'un lac, le pêche interdite. Ouais. Mais bon. La pêche interdite. Et as-tu vu, il y a les gars de je crois, Street Fighter, ils l'appellent Fierce Moves. Oui. Et c'est une relation entre deux hommes. Donc, oui. Vraiment, ils sont laissés aller dans les couvertures multiples. Ah, ouais. Tout le monde est inclus, j'aime ça, c'est exact. Cool. Exact, oui. Fait qu'il y en a plusieurs, allez voir ça. As-tu vu Duck Hunt? Oui. Tu t'allais me dire. C'est ça, j'allais dire, oui. Le chien et son canard dans Duck Hunt, ça s'appelle Shot to the Heart. Shot to the heart, and the time que you give love. Ah ben non. Ouf. OK, tout le monde, c'est vraiment juste parce qu'on a entendu en fin de semaine Barney chanter la chanson là, dans « Comment j'ai rencontré ». Et voilà. Et là, il la met à toutes les sauces. Ah, « Shot to the heart ». Bon, je sais pas les paroles, mais j'aime ça de chanter ça. Ouais, tu les avais pas mal, là, merci. Je trouve. Quand même. Mais c'était l'air qui était moins... Ouais, ben c'est ça. Je voulais pas que ça paraisse que c'était ça, parce qu'on est assez fous qu'on n'a pas le droit de passer ça. Ah, OK. Oups. Oups. Oups. Oups. T'arrêtes de me dire. Drôle. Oui. Ensuite. Tu sais, toi, la lecture, là. Oui. Tu trouves ça plate un peu des fois, hein? Hey. Tu sais, un livre, là. Ah, ouais, j'avoue. Pas de photos, pas d'images. Ouais. Non, plate. Ouais. Plate. Plate! Que dirais-tu d'avoir un livre où ce que tu peux vraiment ressentir physiquement? Directement dans le cœur, shot to the heart. Oui, directement dans ton cœur, shot to the heart. Là, c'est ça, tu me fais perdre mon idée, là. Bref, ressentir le livre. Oui, c'est ça, ressentir ce que le personnage principal ressent. C'est une excellente idée. Mais non pas seulement émotionnellement, là, mais physiquement. Là. Oh! Tu sais. Donc, ça vibre, ça bouge. Oui! Ça... Oh, wow. En fait, c'est ça, c'est un genre de harnais que tu te mets. Puis c'est équipé là, de lumière LED. Il y a un mécanisme vibrant. Aussi, un genre de système de compression. Fait là, qui lousse ou qui te resserre. Là, un peu comme l'informatique quand ça te sert. Ouais. Okay. Selon ce qui se passe, là, dans le fond, dans le livre. Et tu pourras sentir aussi le froid, le chaud. C'est vraiment génial. C'est pour vrai fantastique. Oui. Je suis en train de regarder la vidéo et ça a l'air vraiment de vraiment fonctionner. Oh oui. C'est par James Tiptree Jr. OK. Et c'est ça, il a eu de l'aide là, de la MIT Dubbed as Century Fiction. Parfait. Dans le fond, c'est ça pour faire réussir à faire tout ça. Là. C'est quand même pas mal techniquement compliqué, là, oui. On s'entend là-dessus. Ben oui, c'est ça. Mais ça a l'air vraiment intéressant. J'aimerais cool. ça. Mais ce qui est plate, c'est que ça dit pas si c'est vraiment... Tu sais, je crois pas que nous, on pourrait l'essayer, là. Non, c'est ça. C'est un concept, mettons. Ouais, pour prouver ça. Que ça se fait. Ouais. Peut-être qu'un jour, à un moment donné, dans des... En 2020, là, ça va être super répandu. Ouais, c'est ça. Génial. Écoutons, laissons le temps faire les choses. C'est ça. On verra bien. Oui. Ensuite de ça... le Pixar storyboard artist Josh Cooley. OK. Devine qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose avec des pixels, parce que j'ai entendu le mot pixel. C'est quoi ça? Ouais, Pixar, excuse-moi. Pixar. Ouais, oui, c'est ça. Tu m'as dit en erreur, là. Donc, l'artiste de storyboard. Donc, il fait des storyboards, c'est-à-dire pour faire un film de dessin animé, tu vas faire un storyboard avec des cases représentant l'action. Donc, il va y avoir des centaines et des milliers de cases. Donc, lui d'habitude, chez Pixar, il fait des storyboards. Mais dans ce cas-ci, on l'a engagé pour faire autre chose, une autre sorte de dessin. Oui. En fait, c'est pour reprendre, dans le fond, des scènes R-rated movies. Donc, des films cotés 18 ans et plus, des scènes d'action, des gens se tuent, puis des affaires comme exact. Ça. Des affaires apparentes. Mais fait comme pour un livre d'enfants. Ah ah. Mais qui a l'air destiné aux enfants. Ouais, c'est ça. Qui a l'air destiné aux enfants. Mais ça reste des scènes de violence. Mais c'est ça. C'est pas spécifié, là. Je ne crois pas que ce soit vraiment adressé aux enfants. Personnellement, je donnerais peut-être pas nécessairement un gars avec un gun à mon enfant dans un livre. Mais ouais, c'est ça. C'est chacun son genre. C'est ça. Tu sais, comme mettons, il y a la scène là, du fameux psychose, là, de la douche, là. Avec le couteau dans la douche, ouais. Ouais, c'est ça, là. C'est sûr que ça a l'air moins pire quand tu le regardes dans un petit bonhomme, là, mais quand même, hein. Ça a l'air, mais tu sais, une tête de cheval décapitée dans un lit, ça reste assez violent dans un livre pour enfants. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est cool. Il y a toutes sortes de films. Évidemment, on n'est pas de très, très grands cinéphiles, mais il y a entre autres Le requin dans Jaws, Les dents de la mer. Il y a Le Big Lebowski, des trucs comme ça. Donc, mais c'est refait pour enfants style, mais pas. Les dessins sont pas enfantins. Ils sont juste dessinés comme dans des livres pour enfants. Ah ouais, c'est ça. En dessin animé, comme... Genre, en dessin animé, c'est mieux, je pense. Ouais. Je pense. J'irais plus que ça que film pour enfants. Ouais, mais c'est cool. Ça. Ouais. C'est bien fait, c'est bien dessiné. Oui. Ça a du style. Il y a tout une petite phrase en dessous. Oui. Qui vient directement de la scène. Ouais. Voilà. Eh bien, voilà. C'est tout. Oh, voilà! Oh, voilà! Ah, oh, c'est tout pour la Geekette en devenir. Oui. Et ça termine tellement bien, je trouve. Ah, merci. Ouais. Oui. Ça termine bien l'émission aussi, je trouve. Ouais. Par le fait même. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est tout pour le Mathieu Planchot. On se retrouve mercredi prochain entre 16h et 17h, toujours en direct. On repasse les samedis à partir de 15h. En passant, ceux qui se le demandent, là, ce qu'il y a après nous, là, le mercredi, c'est le voyage insolite et le samedi, c'est les précieuses ridicules. Woohoo! Les sympathiques jeunes dames, et ça va rester dans le même thème parce que tu finis avec la guitare de devenir et eux, elles, ils vont avec des affaires de princesses quasiment aussi. Yay! Des vraies princesses. Ouais. Donc voilà, allez voir cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Merci Maria Picard. Hey, merci Mathieu Plante. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.